pensée. Il y a le soleil pur. Je les vois chanter leur Fatma couche, couche après brûler. Comme a dit bien souvent le grand Dieu donné, il y a le rouge. Et le seul espoir, enfin finir en beauté. 6-15 Toulouse et puis couche, couche. Quant à la Maria, fais couche.